vraiment un autre monde. Une vie pas très immonde, où les lumières dans la pénombre font naître des milliers d'ondes. Shibuya plein à craquer, malgré mon verre de saké, on croirait un animé, un vrai animé. C'est vraiment une autre planète. Sur le sol, pas de canette. Là-bas, les gens sont super. Oui, c'est vraiment comme ma terre-mère. Harajuku est blindé, de l'Oli bien habillé, on croirait un animé, un vrai animé. En réalité, les ombres de Tokyo.